voit qu'elle a vertu de droit. Au micro c'est Mouchka, le message de la pompe. Qu'elle a vert dans la France, douce quand j'y pense. Que nous la vie depuis l'enfance. J'en toujours pas dans leur danse. Mais je préfère te prévenir, chacun veut bâtir son empire. Donc je m'attends au pire, ça fait couler le sang pour une histoire d'argent. Non c'est pas de la faute de l'argent, si on est plus en plus méfiant. De mai 68 à 2008, dans les caisses de l'État, toujours les mêmes vies. C'est toujours les mêmes mecs qui nous pillent. 40 années sans passer, rien n'a changé. Toujours les mêmes communautés touchées par la précarité. Comme un mécano, le moteur j'ai réparé. Je prétends pas pouvoir tout changer. De la France au Portugal, j'ai forgé le mental. Contre un attaque raciale. Des mots qui font mal avec la fin des balles. Et si je reste fils d'immigré, là-bas le touriste français. Touche là, je le sais, ce qu'il faut changer. Les mentalités, je te jure, mon refrain. Y'a que ça qui pourra nous faire évoluer dans une société qui est plus fermée. Dans ce monde, y'a l'avenir sur terre. J'm'attends au pire. Chaque jour, on continue de se détruire. Leur guerre, ça commence à souffrir. Faut que j'en continue de souffrir. Les infos, ils vont que nous mentir. Dans ce monde, y'a l'avenir sur terre. J'm'attends au pire. Chaque jour, on continue de se détruire. Leur guerre, ça commence à souffrir. Faut que j'en continue de souffrir. Les infos, ils vont que nous mentir. Quel avenir, article 3. Quel avenir, article 3. Un jour, on pleure, un jour, on rit. Serait si dur de vivre dans une simple harmonie. Et pourtant si simple de donner ou d'ôter la vie. Nous sommes les enfants d'une soi-disant patrie. Les poussières de notre terre mère. Dans la défense c'est sûr on se fait la guerre. Si seulement on ouvrait les frontières. Peut-être viendrait la paix sur cette terre. Et si y'a l'informatique qui évolue. Comme l'armement nous servira de salut. Regarde combien de nations l'ont déjà vécu. Et combien l'atmosphère tous les jours pollue. De jour en jour, d'année en année. Combien attendent leur tour, on sent que ça va changer. A chaque élection, leurs promesses sont oubliées. J'attends rien du futur, mais apprends du passé. Mais je cherche à savoir ce que nous réserve notre devenir. Où sont les clés des portes pour un meilleur avenir. Sans m'attendre au mieux, ne voit naissant pas le pire. Ce que je sais, c'est qu'on n'a pas fini de souffrir. Dans ce monde, y'a l'avenir sur terre. J'm'attends au pire. Chaque jour, on continue de se détruire. Leur guerre, ça commence à souffrir. Faut que j'en continue de souffrir. Les infos, ils vont que nous mentir. Dans ce monde, y'a l'avenir sur terre. J'm'attends au pire. Chaque jour, on continue de se détruire. Leur guerre, ça commence à souffrir. Faut que j'en continue de souffrir. Les infos, ils vont que nous mentir.